tourne en rond, c'était Christophe Willem sur France Bleu Gironde. Le plein d'idées pour ce week-end. Monument, jeux d'enfants, samedi et dimanche à la Sauve Majeure, la fête de l'arbre à Arès et le marathon de Lèche-Cap-Ferré. Je vous développe ces événements en détail dans la suite de ce 16-18. Aujourd'hui chez vous, France Bleu Gironde vient à votre rencontre. À votre rencontre, Olivier Cabrolier. Demain, direction Talence. Dans le cadre de la Semaine du Goût, nous passons la journée au lycée hôtelier de Talence. Chaque année, cette semaine porte haut de nombreuses thématiques à travers sa programmation. La saisonnalité, les produits locaux, l'anti-gaspi et l'équilibre alimentaire. Des valeurs qui sont transmises et débattues auprès des lycéens. Aujourd'hui chez vous sur France Bleu Gironde, ici, on parle d'ici. Mettons un coup de projecteur sur les pros avec Cerise de Groupama. Mais Jacques, vous ne pouvez pas continuer à travailler avec des béquilles, voyons. Si je m'arrête, Cerise, je n'ai plus de revenus. Et si je ferme, ici, il n'y aura plus de commerce. Avec les solutions de prévoyance Groupama Pro, nous pouvons assurer jusqu'à 100% de votre revenu en cas d'arrêt de travail. Ah, mais c'est très bien, ça. Les très petites entreprises font de très grandes choses. Et chez Groupama, nous sommes là pour les soutenir. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Offre soumise à condition. Plus d'infos sur groupamapro.fr. Savez-vous qu'il est possible de désigner le Secours Populaire Français comme bénéficiaire de votre assurance vie ? Oui, et j'ai souscrit une assurance vie en faveur du Secours Populaire. Je leur fais confiance pour agir concrètement pour un monde plus juste et plus solidaire auprès des personnes qui en ont le plus besoin, près de chez moi, en France et dans le monde. Demandez notre documentation gratuite au 01 44 78 79 26 ou rendez-vous sur secourspopulaire.fr. Secours Populaire, on peut donner du bonheur, on peut aussi le transmettre. Senior, vous recherchez une location en résidence-service ? Les Seigneuriales de Bordeaux-des-Champs vous ouvrent leurs portes du 18 au 21 octobre de 10h à 19h. Visitez nos appartements et profitez de l'offre un mois de loyer offert. Du 18 au 21 octobre, découvrez Seigneurial, 108 rue Henri Dunant à Bordeaux. La résidence senior où il fait bon vivre. FNAIM Gironde. Derrière le cube jaune, plus de 400 professionnels certifiés s'engagent pour réussir avec vous tous vos projets immobiliers. FNAIM Gironde, premier syndicat des professionnels de l'immobilier. Transactions, location, gestion, syndic, expertise. Faites le bon choix. Contactez les professionnels qui affichent le cube jaune de la FNAIM Gironde. Partout en Gironde. Le 16-18 France Bleu. Ce dimanche, rendez-vous sur la presqu'île pour le marathon des villages. En solo, duo, rando, traverser les somptueux paysages de la presqu'île de Lèche-Cap-Ferré et les villages typiques du bord du bassin avec leurs cabanes ostréicoles, piraillant, l'herbe, le canon, le Cap-Ferré, Piqueille. Et sur le chemin, des groupes de musique pour accompagner les foulées des coureurs, des surprises et des cadeaux. Pour vous donner quelques chiffres, l'année dernière, c'est 2560 participants venus de 85 départements différents. L'âge moyen, 44 ans, 23 nationalités, 4500 bananes dévorées et 10 kilos de pâté. Départ à 9h30 du marché de Piraillan, allée de la Chapelle. Pour vous inscrire, pour le retrait des dossiers, c'est sur le site Marathon des Villages. On reste sur le bassin avec la fête de l'arbre à Arès ce dimanche. La ville d'Arès organise sa traditionnelle fête de l'arbre et des plantes, événement incontournable chaque automne depuis 15 ans. Une vingtaine d'exposants seront présents avec plantes, décorations, fruits, légumes, outils de jardin, bijoux floraux, artisanat, une ferme pédagogique, des balades en calèche et des lectures de contes et plein d'autres bonnes choses à partager. Rendez-vous dimanche, 10h, de 10h à 18h, chemin des Lapins à Arès. Monument jeu d'enfants, samedi et dimanche à la Sauve Majeure. Et oui, à l'occasion de la 25e édition de ce monument jeu d'enfants, le Centre des Monuments Nationaux convie enfants et parents à célébrer les monuments en famille. Et ici, c'est à l'abbaye de la Sauve Majeure. On vous invite à participer à des mini-médiévales. Dans les faits, en plus de la visite de ce lieu majestueux et fantomatique, vous allez pouvoir jouer les proches chevalier, vous initier à la fabrication des armes et à leur maniement et vivre la vie d'un camp médiéval. C'est très sympa et plutôt intelligent. Samedi et dimanche, c'est 5 euros pour l'adulte qui accompagne l'enfant et on peut y amener les petits à partir de 3 ans. Tous les renseignements sur le site monuments-nationaux.fr. C'est de 10h30 à 13h et de 14h à 17h30, donc samedi et dimanche. Peut-être avez-vous eu la chance d'être en juillet dernier à Arès. On y revient pour aller apprécier le magnifique Earth, Wind & Fire Experience qui a fait revivre les tubes incontournables du groupe mythique. Moi j'y étais et j'étais complètement conquis. Voici le groupe original amené dans les années 70-80 par Philippe Bailey et Maurice White sur le très dansant Boogie Wonderland. C'est France Bleu Gironde, bon après-midi. Gironde. France Bleu. J'ai longtemps parcouru son corps, effleuré 100 fois son visage. J'ai trouvé de l'or et même quelques étoiles en essuyant ses larmes. J'ai appris par cœur la pureté de ses formes. Parfois je les dessine encore, elle fait partie de moi. Je veux juste une dernière danse avant l'ombre et la différence. Un vertige puis le silence. Je veux juste une dernière danse. Je l'ai connu trop tôt, mais c'est pas de ma faute. La flèche a traversé ma peau. C'est une douleur qui se garde, qui fait plus de bien que de mal. Mais je connais l'histoire, il est déjà trop tard. Dans son regard, on peut apercevoir qu'elle se prépare au long voyage. Je veux juste une dernière. Ça ne change rien, j'ai resté de ses mains. Le bonheur ancré dans mon âme, c'est même trop pour un seul homme. Je l'ai vu partir sans rien dire, il fallait seulement qu'elle respire. Merci d'avoir enchanté ma vie. Avant dernière danse, Kyo et cœur de pirate sur France Bleu Gironde. La principale difficulté sur nos routes de Gironde, c'est autour de l'aéroport de Mérignac après l'alerte à la bombe de l'aéroport de Mérignac, qui, je vous le rappelle, est toujours fermé. Les accès au site sont évidemment difficiles. De gros bouchons autour du rond-point qui arrive à l'aéroport. Essayez d'éviter absolument le secteur. Ça se charge également sur la rocade bordelaise avec des ralentissements depuis le pont François Mitterrand jusqu'à l'échangeur de la Gardette. Alors pour l'instant, c'est orange. Vous roulez entre 20 et 40 km heure dans cette portion de rocade rive droite, rocade extérieure. Préférez le pont Saint-Jean pour passer la Garonne de la rive gauche à la rive droite ce soir. Et puis au sud de Bordeaux, déjà aussi quelques petits ralentissements entre la 63 et la 62, toujours sur cette rocade extérieure. Si vous voyez d'autres problèmes, vous nous appelez 05 56 19 10 10. L'infotrafic 100% local avec Présence Verte, votre téléassistance. Contactez-nous par téléphone ou sur www.présenceverte.fr. On va retrouver Patrice Gascoigne dans quelques minutes avec les coulisses de la télé. Chaque jour, il vous sélectionne un programme proposé le soir même. Eh bien, aujourd'hui, il est avec le comédien Guillaume Cramoisan qui joue le rôle de chef de brigade des Invisibles qui s'emploie à retrouver les meurtriers de corps non identifiés. Les Invisibles qui sont de retour pour une saison 3 ce soir sur France 2. Juste après, nous reviendrons sur la victoire du Miocé Thomas dans le jeu du ni oui ni non de France Bleu Gironde ce matin. Vous allez entendre qu'il a fait preuve de beaucoup de concentration. La clé pour réussir dans ce jeu. Le 16-18 France Bleu Gironde. Philippe Vigier. Ayant vendu plus de 150 millions de disques, il a accumulé les récompenses oscarisées pour Streets of Philadelphia. Son album Born in USA s'est écoulé, lui seul, à 30 millions d'exemplaires. The Boss sur France Bleu Gironde, Bruce Springsteen. Bruce Springsteen sur France Bleu Gironde.

Serenipia, c'était Zaz avec Léo Rizzi sur France Bleu Gironde. Dans la suite de ce programme de l'après-midi de France Bleu Gironde, nous allons revenir sur le jeu Ni Oui Ni Non, où le mieux c'est Thomas a gagné deux places pour y découvrir le spectacle Luminiscence à la cathédrale Saint-André de Bordeaux. Vous allez voir comment il a joué, c'est assez particulier. Mais en tout cas, il a gagné, c'était ce matin dans la matinale de France Bleu Gironde. Chaque soir sur France Bleu, toute l'actu de la Coupe du Monde de rugby est à 100% dans le mag. Dominique Bourdeau. Après 37 ans de séparation, voilà deux coqs qui se sont retrouvés depuis 2018. Le coq sportif est à nouveau l'équipementier de l'équipe de France 2 rugby avec un maillot totalement fabriqué en France. Le PDG du coq sportif, Marc-Henri Bossire, est notre grand témoin. Le mag 100% Coupe du Monde de rugby, chaque soir sur France Bleu, dès 18h. Démarrer une nouvelle vie en résidence senior avec Serenely. Appartement meublé, équipé, à Toulouse et à Bordeaux. Animation, espace vert, salle de fitness, salon de beauté. Vivez pleinement, vivez sereinement avec Serenely. Prenez rendez-vous avec nos conseillers pour visiter nos appartements témoins ou pour un séjour découverte. Serenely, Serenely.fr. C'est l'heure de la sortie. Le 16-18 France Bleu Gironde. Chaque matin, on joue ensemble au Ni Oui Ni Non sur France Bleu Gironde pour gagner vos cadeaux avec Janelle Bernard et Thomas Coignac. C'est à 7h20. Alors, un autre Thomas, cette fois-ci de Mios, a joué pour gagner ses invitations au spectacle Luminiscence à la cathédrale Saint-André de Bordeaux. Et il a fait preuve de beaucoup de concentration. Écoutez. Thomas, est-ce que vous êtes prêt, bien garé? Ouais, je félicite le créneau d'ailleurs, hein, réussi avec brio. Allez, c'est parti, vous avez 45 secondes pour jouer avec nous ce matin. Bon. Vous avez vu, c'est rigolo, Janelle, moi je croise des Thomas le matin, vous croisez assez peu de Janelle. Non, c'est vrai, il n'y en a pas beaucoup. Mais il y en a plein des Thomas, vous en aviez dans votre classe, vous? Parce que moi, quand j'étais petit, c'était tout le temps. Ah, mais c'était systématique, je crois pas avoir eu une année scolaire sans avoir un autre Thomas dans la classe. Alors, comment vous appelez pour vous différencier? Ah, bah, il y avait Tom, Toto. Et vous, c'était quoi? Moi, c'était Tom. Tom? Ouais, moi, c'est pareil. Mignon, Tom. C'est vrai, vous aussi, c'était Tom? Tous les deux, vous voyez. Vous avez même sûrement, c'est même pas non plus original. On vous appelle encore Tom ou non, c'est fini, ça y est, c'est un truc de collège? Beaucoup, beaucoup encore. Les collègues ou la famille? La famille, les amis, les collègues. Ah, vous aimez bien? pas de réponse. Ça vous plaît ou ça vous plaît pas? Vous avez le droit de répondre. Allez, c'est gagné. On vous l'accorde, Tom. Bah oui, c'est gagné, Tom. Super, vos invitations merci pour Luminiscence à la cathédrale Saint-André, donc à Bordeaux. C'est magnifique, un spectacle donc qui nous plonge en immersion dans cette cathédrale toute illuminée de projections. Bah, c'est très très joli. Ça reprend les courbes, les formes de la cathédrale. C'est sublimissime. Vous allez pouvoir emmener la personne qui vous fait plaisir. Ça peut être aussi une soirée romantique, Tom. Je ne sais pas, je dis ça. Ah, je suis ravi. Merci beaucoup. Et ben on est ravi de vous faire plaisir. Passez une belle journée. On se dit à très vite sur France Bleu Gironde. Vous revenez quand vous le souhaitez. Et à bientôt. Merci. Bonne route, soyez prudents. Hein. Oui. Et oui, c'est ça la clé, restez concentrés. Demain, vous gagnez vos invitations pour le show Stomp au Pingalan de Mérignac. Le dimanche 5 novembre, véritable phénomène mondial, Stomp qui a été vu par plus de 15 millions de spectateurs à travers le monde. Je vais vous offrir des places juste dans quelques minutes aussi pour ce même concert. Restez bien à l'écoute. Avant le flash de 17h, nous allons laisser Nicolas Lespol nous raconter l'histoire de la chanson « Pour que tu m'aimes encore » que Goldman avait écrit pour Céline Dion. Mais pour l'heure, sur France Bleu Gironde, nous plongeons au cœur de l'histoire de la Motown, qui passe par Berry Gordy, boxeur amateur qui, au retour de la guerre de Corée, travaille comme ouvrier sur les lignes de production de l'usine automobile Mercury à Détroit. Et c'est en s'inspirant de ce modèle industriel qu'en 1959, au deuxième étage d'une petite maison bleue, il va écrire les premières pages d'une extraordinaire aventure discographique en créant la Tamla Motown. Et ce baby love des Supremes aura largement aidé à la réussite de la Motown, souvenir d'un succès annoncé sur France Bleu Gironde. Stay away so long, cause

Votre mag est disponible dans vos boîtes aux lettres et pour la métropole, dans les mairies, médiathèques, boulangeries, commerces et lieux publics. Pour le recevoir, abonnez-vous sur gironde.fr/abonnement. La santé vous donne rendez-vous dans Gironde Mag, une initiative du département de la Gironde. France Bleu, connectée à notre région. Ici, c'est France Bleu Gironde. France Bleu Gironde, il est 17h. Comment ça va sur les routes d'abord? Pas très bien à côté de l'aéroport. Je sais que vous allez y revenir évidemment, mais oui. Les accès au site sont difficiles avec de gros bouchons autour du rond-point qui arrive à l'aéroport. Toujours du monde sur la roquette bordelaise entre l'échangeur de la route de Bergerac et l'échangeur de la Gardette au nord de Bordeaux. Et puis dans l'autre sens, depuis le pont François Mitterrand, vous êtes ralenti jusqu'à la 62, que ce sont que des petits ralentissements pour l'instant. La météo, Kevin Blondel, c'est des nuages et du soleil aussi. Oui, des éclaircies. Des éclaircies, des nuages, c'est comme ça jusqu'à ce soir. Vent d'ouest assez fort, notamment sur le littoral. Ça devrait s'apaiser dans les heures à venir. Température maximale 22 à 23 degrés. L'aéroport de Bordeaux-Mérignac rouvre ses portes après avoir été évacué cet après-midi. À l'arrêt complet depuis 14h. Aucun vol n'en part, aucun vol n'y atterrit. Les passagers ont été priés de quitter les lieux jusqu'à il y a juste quelques minutes. Là, la faute, Clément Carpentier, a une alerte à la bombe. Oui, une alerte reçue par mail à la mi-journée selon l'aéroport, sans qu'on en sache vraiment plus sur son contenu d'ailleurs. Dans la foulée, la décision d'évacuer a donc été prise. C'était il y a maintenant 3 heures. Depuis quelques minutes, comme vous le dites, Kevin, seulement la machine se remet tout doucement en route, mais ça va prendre du temps. Ça va encore être un joli bazar jusqu'à ce soir au moins. D'autant qu'il y a eu d'autres vols retardés dans d'autres aéroports français tout au long de la journée. Une dizaine d'entre eux a été évacué en raison justement d'alerte à la bombe. C'était le cas à Toulouse, à Pau, à Rennes ou encore à Lille, Lyon et Nice. Plusieurs aéroports ont pu rouvrir leurs portes en début d'après-midi, mais le trafic, comme vous le savez, reprend donc progressivement sur tout le territoire. Donc un mot d'ordre ce soir, Kevin, patience. Et qui dit aéroport évacué, dit terminus du tram A modifié de ce côté-là. Les deux derniers arrêts ne sont pas desservis. Arrêt donc forcé à Caroline Aigle. On n'est pas tout à fait à l'aéroport, hein. Ça doit reprendre là encore assez rapidement. Le ministre délégué au transport promet 20% d'effectifs supplémentaires pour assurer la sécurité justement dans les trains et les gares pour le coup d'ici l'été prochain. 550 agents de plus donc, ainsi que des brigades de chiens de détection supplémentaires. Tout ça dans le cadre du plan Vigipirate Urgence Attentat déclenché vendredi après le meurtre de cet enseignant à Arras, explique Clément Beaune. Évacuation également du château de Versailles ce matin, la troisième fois en l'espace de 4 jours pour une alerte à la bombe. À Berlin, une synagogue a été visée par des cocktails Molotov. Il n'y a pas eu de blessés. 24 Français sont morts, 7 sont portés disparus, plusieurs probablement en otage dans la bande de Gaza. C'est le dernier bilan français donné par Elisabeth Borne après l'attaque du Hamas en Israël. Paris aura par ailleurs rapatrié d'ici ce soir 3500 Français d'Israël depuis l'attaque terroriste du Hamas, d'après la Première Ministre. Le village rugby, c'est fini à Bordeaux. Oui, fermeture 10 jours tout pile. Avant la finale du Mondial, la France est éliminée. Les mauvaises conditions météo prévues ce week-end pour les demi. Le renforcement du plan Vigipirate. Voilà, tous les vents étaient contraires pour cette fan zone installée sur la plaine des Sports Saint-Michel. On y revient sur francebleu.fr. 4 Bordelaises retenues pour affronter la Nouvelle-Zélande en rugby samedi à Wellington. Fall, Bourgeois, Kalfaoui et Condé seront de la partie pour le début de cette toute nouvelle compétition, le Women 15. Puisqu'on parle de ballon ovale, sachez que notre invité là à 18h dans 100% Coupe du Monde, ce sera Bichente Lizarazu. Alors oui, je vous vois là avec vos grands yeux. Il est footballeur, je sais. Ouais, il est du Pays Basque quand même. Hein. Voilà, il est basque, donc il aime le rugby. Et en plus, il a suivi cette Coupe du Monde et il nous donnera son regard sur le parcours des Bleus dans ce Mondial. Ça s'est terminé un peu tôt à notre goût. Les Montgolfiades de Saint-Émilion annulées, elles aussi, décidément. Elles devaient se dérouler de vendredi à dimanche. 20 Montgolfières venues de toute la France pour survoler les abords de la cité médiévale. Joli spectacle annulé à cause du mauvais temps prévu là encore, annonce l'organisation. Bon, ça s'éclaircit ce soir en tout cas. Ah, pour l'instant, un ciel qui est plutôt clair avec quelques éclaircies, un ciel partiellement étoilé en début de nuit et ensuite les nuages qui reviennent, ils envahissent le ciel et le temps se détériore de nouveau finalement. Des pluies éparses se produiront en seconde partie de nuit. Température minimale au lever du jour entre 15 et 16 degrés. Demain, le temps sera variable avec des averses le matin. L'après-midi, le soleil reviendra peu à peu, même s'il devra encore composer avec quelques nuages. Un vent de sud-ouest assez fort jusqu'en milieu d'après-midi sur le littoral avec des rafales jusqu'à 60 65 km/h. Les températures maximales pour demain entre 21 et 24 degrés. La météo 100% locale avec Ariane Construction, constructeur de maisons individuelles en Gironde. Retrouvez-nous sur arianeconstruction.com. L'aéroport qui n'est pas encore réouvert complètement et les accès au site qui sont difficiles. Je rappelle ce gros bouchon qui est toujours autour du rond-point qui arrive à l'aéroport, qui amène à l'aéroport. Sur la rocade des ralentissements au nord de Bordeaux, depuis Bruges jusqu'au pont d'Aquitaine, sur la chaussée intérieure en direction de Paris, puis de l'autre côté au sud, depuis la 63 jusqu'à la 62, c'est un peu compliqué. Et puis les bouchons qui reprennent à partir de l'échangeur de la route de Bergerac jusqu'à l'échangeur de la Gardette au nord de Bordeaux, celui de la 10 dans l'autre sens, quelques ralentissements depuis le pont François Mitterrand jusqu'à la 62. Ailleurs, ça roule sans trop de difficultés. Néanmoins, si vous voyez des problèmes, appelez-nous, bien sûr, on fait la route ensemble. Vous êtes nos patrouilleurs, 05 56 19 10 10. Un quart d'heure dans le jeu de la playlist de France Bleu Gironde. Vous allez tenter de gagner vos invitations pour le concert des percussionnistes de Stomp du dimanche 5 novembre au Pingalan de Mérignac. Avant, nous allons repartir sur le terrain. Olivier Cabrolier s'est posté à la sortie du Cultura de Mérignac. Donc, c'était hier pour bien sûr rencontrer celles et ceux qui venaient d'acquérir le Graal, à savoir le billet pour l'un des concerts des Enfoirés du début janvier à Arkea Arena. On le retrouve dans un instant. Le 16-18 France Bleu Gironde. Philippe Vigier. Le 14 mars 1983, David Bowie remporte son pari de sortir un tube international qui le propulse au sommet des charts. Let's Dance, un titre façonné des mains de maître du guitariste de Chic, Nile Rodgers, qui lui donna sa consonance funky. Let's Dance, David Bowie sur France Bleu Gironde. du mal à faire le lien. Je deviens pâle sans tes mains. Oh, j'aimerais tout donner pour toi. Je te donne mon corps et puis ma voix. Oh, je pourrais tout voler, je crois. Je t'offre mon or et puis ma joie. Je t'aime, comment on fait? Je t'aime plus que tu m'aimes. Je t'aime, comment revêtir le ciel de la couleur de nos veines? Est-ce que tu m'aimeras? Est-ce que tu comprendras ce que veulent dire les gens qui vivent imprudemment? Je t'aime sans la raison. Je t'aime à rendre compte. Je t'aime à ma façon. Je me contiens. Tu pourrais être mon grand chagrin. À chaque plaie, j'aurais le médecin. Je t'offrirais mes deux reins. Oh, je pourrais tout brûler pour toi. Pour qu'enfin il ne reste que moi. Oh, je pourrais même casser. De toute façon, je ne crois qu'en toi. Je t'aime, comment on fait? Je t'aime plus que tu m'aimes. Je t'aime, comment revêtir le ciel de la couleur de nos veines? Est-ce que tu m'aimeras? Est-ce que tu comprendras ce que veulent dire les gens qui vivent imprudemment? Je t'aime sans la raison. Je t'aime à toujours beaucoup d'amour hein, sur France Bleu Gironde. Et même après, je t'aimerai. C'était Oshi. À Bordeaux et dans la métropole, le 16-18 France Bleu Gironde. Hier, à partir de 10h, vous avez été très nombreux à acheter vos billets pour les différentes dates du concert des Enfoirés Arca Arena de janvier prochain. Ce spectacle-événement se déroule donc une nouvelle fois en Gironde. France Bleu est partenaire. Nous avons envoyé Olivier Cabrouillet à la sortie d'un commerce de Mérignac où ses billets étaient vendus. Une chose est sûre, il y avait une vraie excitation. Mais cette année, on a également senti une envie d'être utile afin d'aider les Restos du Cœur qui traversent une période plutôt délicate. Voici quelques futurs spectateurs des Enfoirés, billets en main, au micro d'Olivier Cabrouillet. Les Enfoirés, alors c'est un cadeau que j'ai fait pour mon conjoint parce qu'il adore ce spectacle-là avec tous les artistes qui y participent. Non, c'est pas la première fois. Hein, la première fois, je l'avais raté du coup. Et donc, je vais aller chercher. Vous en prenez combien? 2 places. Ce sera le dimanche midi parce que je crois que c'est retransmis à la télé. Donc, je me dis qu'il y aura peut-être plus d'artistes à ce moment-là. En achetant les places, on se dit on participe peut-être à ça, à aider les autres, et puis avoir tous ces artistes qui viennent, mais différemment de leur concert en fait habituel, et puis sont ensemble. Et donc c'est vrai que c'est chaleureux. Résolution. Qu'est-ce qui peut expliquer cette file d'attente pour acheter des billets pour les Enfoirés? Bon, il y a les mêmes personnages, mêmes artistes hein, qui sont présents. Vive les Enfoirés! Enfin, j'ai réussi à en trouver. Donc oui, je suis très satisfaite. Et c'est quoi la méthode alors du coup pour être sûre d'avoir ses places? Bah, sincèrement, il y en a pas vraiment parce que moi j'ai fait les files d'attente sur internet. J'ai pas réussi. Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? C'est ça. C'est une question de chance à mon avis. Moi, c'est pour offrir les places. Donc j'imagine que ça va être comme d'habitude. Je pense que ça va être un très beau spectacle. Donc voilà, je suis contente d'offrir ces places aux personnes à qui j'ai offert les places. Et est-ce qu'elles seront disposées au pied du sapin pour Noël ? Effectivement, elles seront au pied du sapin pour Noël. C'est un beau cadeau, ça. Très beau. Quand vous répondez à mes questions, je vous vois les observer, hein, vos billets. Hein. C'est ça, c'est ça. Ah, vous les aimez, hein ? Ah oui. Les Enfoirés avec France Bleu, ce sera donc au début de l'année prochaine à l'Arkéa Arena de Florac. Autre concert, autre lieu, les percussionnistes de Stomp, dimanche 5 novembre au Pingalan de Mérignac. J'ai des places pour cet événement. Elles sont à gagner dans 5 minutes sur France Bleu Gironde dans le jeu de la playlist. Alors là, si vous n'avez pas eu vos billets, je ne peux rien pour vous, en tout cas pas pour ce concert-là. Celui du Brésilien Gilberto Gil avec sa famille, c'est complet. Hein. C'est jeudi 26 octobre au Rocher de Palmer. Alors pour vous consoler, voici son incontournable Toda Menina Baiana. Toda menina baiana tem um santo que Deus dá. Toda menina baiana tem encanto que Deus dá. Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá. Toda menina baiana tem defeito também que Deus dá. Deus entendeu de dar a primazia, o bem pro mal, primeira mão na Bahia. Primeira missa, primeiro índio abatido também. Deus deu. Deus entendeu de dar toda a magia, o bem pro mal, primeiro chão na Bahia. Primeiro carnaval, primeiro pelourinho também. Deus dê. Balana, c'était Gilberto Gil sur France Bleu Gironde. Baiana et pas Balana, oui bien sûr. Le jeu de la playlist, doté aujourd'hui sur France Bleu Gironde d'invitation pour le concert de Stomp. C'est le dimanche 5 novembre prochain, la troupe de Stomp dans les mains de laquelle n'importe quel objet du quotidien devient un instrument de musique. Eh bien cette troupe est de retour sur la métropole bordelaise. Stomp, spectacle entre danse, percussion et humour, est à l'affiche du Pingalan de Mérignac. Pour gagner ces invitations pour deux personnes, vous devez, comme chaque jour, reconnaître quel artiste se cache derrière cette intro. ça rappelle de mon souvenir. Hein. Qui se cache derrière ce début de morceau? Si vous avez le nom de la chanson, c'est aussi gagné. 05 56 19 10 10. France Bleu Gironde, bienvenue chez vous. Découvrez, cuisinez, dégustez. Chef Jésus Hurtado. Tout au long de cette semaine, du goût, nous avons découvert pas mal de saveurs et nous continuons notre balade autour de l'assiette et des saveurs et nous allons parler du salé. Et oui, comment mettre le sel au bon endroit dans certaines recettes, c'est ce que nous allons voir en cuisinant ensemble sur France Bleu Gironde. France Bleu Gironde, bienvenue chez vous demain à 10h. France Inter présente « Quels parents sommes-nous ? L'éducation positive en question ». Une conférence interactive animée par Ali Rebbi. Quels outils favorisent une communication efficace parents-enfants ? Et que vaut aujourd'hui l'éducation positive à l'épreuve de la vie quotidienne ? Rendez-vous demain à 20h avec les invités, pédiatres, psychologues et chercheurs, pour parler parentalité et proposer des solutions pour les parents et les enfants. Une soirée unique à la Maison de la Radio et de la Musique, à vivre en direct en ligne. Informations et réservations sur franceinter.fr. Avec la MAE, le spécialiste de la protection de l'enfant et de la famille, numéro 1 de l'assurance scolaire. FNAIM Gironde, derrière le cube jaune, plus de 400 professionnels certifiés s'engagent pour réussir avec vous tous vos projets immobiliers. FNAIM Gironde, premier syndicat des professionnels de l'immobilier. Transactions, location, gestion, syndic, expertise. Faites le bon choix. Contactez les professionnels qui affichent le cube jaune de la FNAIM Gironde. Pourquoi préférer MAF Pro ? Toi qui es chef d'entreprise, t'as pas peur ? Peur de quoi ? Ben, je sais pas, si toi ou un de tes salariés provoquait des dommages chez un client, ça peut te coûter très cher. T'inquiète, même les pros ont droit à l'erreur. Avec la garantie responsabilité civile de mon contrat MAF Pro, je suis couvert. Voilà pourquoi je préfère MAF Pro. Et du 2 au 31 octobre, profitez de 3 mois gratuits sur votre nouveau contrat multirisque pro. Conditions de l'offre sur MAF.fr. IKEA. Attends, t'es prêt là ? Tada ! Waouh, sympa la déco, mais on est où ? Bon, mon amour, on est chez nous. Ah ouais, t'as vraiment fait plein de bonnes affaires. Aménagez votre intérieur à petit prix avec nos bonnes affaires. Jusqu'au 9 novembre, avec la carte gratuite IKEA Family, la chaise d'extérieur Ascolmen est à 20 euros au lieu de 40. Conditions sur IKEA.fr. C'est l'heure de la sortie. Le 16-18 France Bleu Gironde. Hello André, bonjour André, comment ça va André ? Ça va, vous aussi. Bah oui, très bien. Et vous avez reconnu que c'était évidemment Stevie Wonder avec ce Master Blaster. Master Blaster. Ah oui. Oui, oui, c'est mon époque. Ah, c'est votre époque, hein. Bah moi aussi. Oui. Qu'est-ce que j'ai pu danser là-dessus ? Ouais, les années 80 avec Stevie Wonder qui était capable de faire n'importe quel tube sur n'importe quel style de musique, hein, de toute façon. Hein. C'était quand même une grande vedette, ce Stevie Wonder. Il nous manque, hein. Moi j'aimerais bien qu'il nous refasse un petit truc là prochainement. Bon André, grâce à cette réponse, je vous envoie vous faire percussionner, tiens. Hein. Faites attention quand même, hein, parce que ça risque d'être dangereux. Hein. Des places pour Stomp, dimanche 5 novembre au Pagnéland de Mérignac. Enfin, n'allez pas avec un casque quand même, hein, vous inquiétez pas, ils vont pas vous taper dessus. Hein. Ils prennent pas n'importe quoi non plus. Enfin, pas n'importe qui, pardon. C'est pas ce que je voulais dire. Bon, grâce à Stevie Wonder, vous pourrez aller voir Stomp et vous nous raconterez tout ça. Vous irez avec la personne de votre choix, vous avez choisi ? Ah ben, ma femme. Voilà. Ouais. Elle s'appelle comment ? Épouse Josiane. Voilà. Josiane et André, donc, le dimanche 5 novembre, en soirée au Pingaland de Mérignac pour aller voir Stomp. Merci d'avoir joué avec nous, je vous souhaite une belle soirée, et puis vous nous raconterez tout ça, d'accord ? Eh bien d'accord, merci beaucoup, et puis bonne soirée aussi, merci. Au revoir André. Dans la suite de cet après-midi de France Bleu Gironde, je vais vous proposer quelques idées pour vos sorties à venir, juste après Claudio Capéo, ici, sur son titre Les Petites Gens, extrait de l'album Rose des Vents, déjà disque de platine. J'ai grandi ici auprès des petites gens, de celles qu'on néglige, de ceux à qui l'on ment. Les mêmes qu'on méprise pour un délit d'accent. Mais ici bas, on ne fait pas semblant. Chaque jour se vise à peine. toi je maudis l'arrogance des géants. Qui d'un trait réduisent nos espoirs à néant. Quand les corps s'épuisent à soulever le ciment. Sache qu'ici-bas, on se bat pour un toit décent. Que je sois maudit si je trahis les gens. Et moi je rêve d'une trêve, que l'on s'enlace, que l'on s'embrasse. Et moi je rêve d'une trêve, d'une place. Les petites gens, c'était Claudio Capéo sur France Bleu Gironde. Le centre de loisirs de Villegouge accueille la caverne jeudi, vendredi et samedi. La caraverne exactement, la caraverne du théâtre ambulant à visée philosophique. Venez en famille découvrir le théâtre et la philosophie dans une caravane. Une expérience unique, imaginons une caravane en forme de caverne, d'abord fermée à la lumière, dont on ressortirait un petit peu plus éclairé. Imaginons des histoires et des contes, de Platon à nos jours, réinventés en images et en musique pour se mettre en appétit. Imaginons ce petit théâtre ambulant au cœur du 21e siècle, cet endroit où l'on voit, d'où l'on regarde et d'où l'on prend de la distance pour repenser le monde et prendre confiance en notre capacité d'invention et d'action. C'est une proposition de Laurence Poyetto pour tout public en famille à partir de 7 ans. Bien sûr, il faut réserver, la jauge est très limitée, hein, c'est une caravane. Les réservations sur www.tourisme-fronsadé. Pierre Thévenoud est marrant, normalement. À vous d'aller le constater au théâtre Cravé de la Teste de Buch. Venez le voir, il vous parlera aussi bien de lui, du monde, de Dieu, des pigeons et de plein d'autres trucs qui ont l'air complètement chiants, mais qui sont bien en vrai. Inclus pour l'achat d'un billet, 3 astuces pour ne pas vraiment mourir. Il n'a pas trouvé mieux comme argument commercial. Pierre Thévenoud en one-man show, c'est vendredi à La Teste. Fred Battista, lui, il est de Landiras et il sera à Landiras ce vendredi. Alors à Landiras, Fred Battista est surtout connu dans l'habit sérieux du professeur de musique qu'il a été auprès des jeunes élèves, mais peut-être un petit peu moins dans celui de l'artiste vêtu d'une redingote et d'un chapeau haut de forme farfelu et touchant à la fois. Auteur-compositeur, il revient accompagné de 2 artistes musiciens et comédiens polyinstrumentistes au caractère bien trempé, 80 minutes de musique au service d'histoires poétiques et décalées, inspirées par la vie d'une imagination plutôt fertile. On y croise entre autres Manu, un cow-boy, des légumes, des harengs et des bulots, une tête à claque qu'on se promène dans un univers loufoque entre Paris et El Paso, des textes drôles et parfois émouvants nous interpellent. J'ai rêvé d'une Ferrari. J'ai rêvé d'une Ferrari. Un spectacle humoristique et musical, on peut y entendre des instruments à cordes, des vents, des percussions, du ukulélé ou au mélodica, en passant par la trompette. C'est vendredi au foyer municipal de Landiras. C'est Fred Battista. Allez, on fait un point sur vos conditions de trafic toujours aussi compliquées hein, autour de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac avec des difficultés pour y arriver, pour en ressortir à partir du rond-point vers la rocade ou en venant de la rocade. La rocade, justement, qui est compliquée depuis l'échangeur 16 de Pessac 16 jusqu'à la 62. De l'autre côté de la Garonne, vous êtes ralenti depuis la côte de Floirac de Bouliac jusqu'à la Gardette au nord de Bordeaux. Et puis sur la 10, dans les premiers kilomètres, là aussi, des ralentissements jusqu'à Sainte-Lalie. Et puis au nord de Bordeaux, des ralentissements habituels, va-t-on dire, entre Bruges et le pont d'Aquitaine. La route de la Cano après l'échangeur 8 également est très difficile en allant vers le Taillant Médoc. Il y a beaucoup de monde qui part vers le Médoc. L'infotrafic 100% local avec Présence Verte, votre téléassistance. Contactez-nous par téléphone ou sur www.présenceverte.fr. Êtes-vous déjà allé en forêt écouter le brame du cerf? C'est la question que vous a posée ce matin Nicolas Fauveau dans l'émission À votre service à 9h. Dans le prochain quart d'heure, nous allons revenir sur les témoignages d'Anouchka de Cours-les-Bains et du photographe animalier Cyril Houdiné. Partout en Gironde, le 16-18 France Bleu. Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie. J'ai des idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie. Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie. Je te verrai tous les jours. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi me donne tous ses emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres te t'aiment, tes drôles de poèmes et viens avec moi. On est partis tous les deux pour une drôle de vie. On est toujours amoureux et on fait ce qu'on a envie. Tu as sûrement fait le tour de ma drôle de vie. Je te demanderai toujours. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi me donne tous ses emblèmes, me touche quand même. Chanson qui avait une vingtaine d'années lorsque sort l'album Amoureuse en 1972. Elle a composé cette chanson sur Ma drôle de vie avec Michel Berger, son double musical. À Bordeaux et dans la métropole, le 16-18 France Bleu Gironde. Tous les jours, dans À votre service, après le journal de 9h, on parle des sujets qui vous concernent. Et ce matin, nous sommes partis ensemble en balade au milieu de la forêt. On a voulu savoir si vous allez chaque année en forêt écouter le brame du cerf dans les forêts girondines. Nous revenons sur les témoignages d'Anouchka de Cours-les-Bains et du photographe animalier Cyril Houdiné. Ils sont au micro de Nicolas Fauveau. Bonjour Nico, ça va et vous? Oui, en pleine forme. Alors, est-ce que vous êtes déjà allé, vous, en forêt écouter le brame du cerf? Oui. Alors moi c'est chaque année, hein. Enfin voilà, le brame du cerf, je suis archi fan. Et en fait, ben, c'est juste magnifique, c'est puissant, c'est magique. On est dans les bois, on fait communion avec la nature et en fait on est face au roi de la forêt, quoi. Et c'est magique. Comment ça a débuté cette histoire d'amour? Alors bon, moi j'ai mon frère qui est chasseur. Mm-hmm. Voilà. Après non, c'est parce qu'on a habité dans les Pyrénées, en altitude et on était entouré de cerfs. Et en fait c'est de là que c'est parti. Et bon, j'ai déménagé donc en Gironde, je suis revenue aux sources. Et on a la forêt des Landes de Gascogne qui est pas loin. Et du coup, chaque année, je suis obligée d'aller en forêt. Et on y passe des heures. Mais on précise, un Cours-les-Bains juste à côté de Grignols. Effectivement, vous êtes bien placé aux portes de la forêt des Landes de Gascogne. Oui, route, mais on n'est pas loin. Ouais, c'est toujours sympa. Vous êtes allé écouter le Bram quand la dernière fois, Anouchka? Il y a une semaine. Bah, alors, du coup, nous, on y va plusieurs soirs, donc on arrive à les repérer un petit peu. Alors, le but, c'est pas d'aller les embêter. Clairement, c'est de les repérer et de se mettre quand même pas à côté non plus, de pas les déranger. Hein. Mm-hmm. Mais oui, non, ça viendra, mais cette année, on a eu quand même du brame puissant, quoi. Merci Anouchka pour ce premier témoignage depuis Cours-les-Bains autour du brame du cerf. Bonne journée à vous. Cyril Audinet, on parlait de la météo. C'est quoi les bonnes heures de la journée pour aller écouter bramer? Bon, c'est surtout au crépuscule et à l'aube, hein, ça c'est certain. En pleine journée, il y a très peu de probabilité dans nos zones très fréquentées de les entendre. Juste, je reviens un petit peu sur le témoignage d'Anouchka. Il y avait effectivement un point très important qu'elle a évoqué. C'est que, bon, c'est un spectacle absolument magnifique, mais c'est essentiel pour la survie de cette espèce. Et le fait d'aller voir ce spectacle qui nous attire tous au fond de la forêt ne doit pas nous occulter le fait qu'il faut être extrêmement discret et éviter de perturber le déroulement de ce moment-là pour les animaux, puisque c'est vraiment très crucial pour eux. Donc il y a tout un tas de processus sur lesquels on pourrait revenir si vous en avez envie, mais qui font qu'il faut être, il faut repérer, être discret et venir écouter simplement est déjà un moment d'émotion absolument incroyable. Ouais, ce n'est pas Nicolas Fauveau, hein, c'est le cerf. Hein. Dès 9h, autre sujet demain matin, vous êtes artisan, restaurateur, commerçant ou agriculteur. Comment est-ce que vous parvenez à faire face à l'augmentation des prix de l'énergie? C'est la question que l'on va vous poser demain matin à partir de 9h au 05 56 19 10 10. Avant les infos de 18h, nous allons retrouver Émilie Mazoyer pour un nouveau décibel. Alors pour l'instant, ce sera la version courte. Hein, et à partir de 19h, ce sera l'émission. Alors dans 5 minutes, il sera question de l'actu d'Erita Mitsuko, du Soldat Rose, du compositeur de musique de film John Williams et de Calogero. Et puis juste après, nous irons au cinéma. Nous allons joindre Florent Lemonnier, programmateur du cinéma luxe de Cadillac, qui va insister sur une rencontre débat autour du film Consentement, proposé ce vendredi chez lui, donc à Cadillac. Je vais t'aimer, la comédie musicale Phénomène, avec les plus grands succès de Michel Sardou, est au Casino de Paris à partir du 25 janvier et en tournée dans toute la France en 2024 avec France Bleu. Une histoire inédite entre Paris et New York à travers les époques et la bande-son de notre vie. France Bleu vous offre Je vais t'aimer. Écoutez France Bleu ou rendez-vous sur francebleu.fr. Je vais t'aimer, vous savez déjà que vous allez chanter. Un spectacle France Bleu. Gironde Mag vient de sortir. Retrouvez les actions du département pour la santé. Protection maternelle et infantile, santé mentale des jeunes, comment mieux se porter à tous les âges de la vie, mieux vivre à la maison et dans ses loisirs. Votre mag est disponible dans vos boîtes aux lettres et pour la métropole, dans les mairies, médiathèques, boulangeries, commerces et lieux publics. Pour le recevoir, abonnez-vous sur gironde.fr/abonnement. La santé vous donne rendez-vous dans Gironde Mag, une initiative du département de la Gironde. Tintin est à l'honneur au Bassin des Lumières. Des fonds marins à la Lune, en passant par le Pérou, l'Égypte ou l'Indonésie, plongez dans les enquêtes haute en couleur du héros à la houppette. Tintin, l'aventure immersive à découvrir dès aujourd'hui. Infos et réservations sur bassin-lumière.com. Démarrez une nouvelle vie en résidence senior avec Serenely. Appartements meublés, équipés à Toulouse et à Bordeaux. Animation, espace vert, salle de fitness, salon de beauté. Vivez pleinement, vivez sereinement avec Serenely. Prenez rendez-vous avec nos conseillers pour visiter nos appartements témoins ou pour un séjour découverte. Serenely, Serenely.fr. C'est l'heure de la sortie. Le 16-18 France Bleu Gironde. L'actu musique résumée en quelques minutes par notre spécialiste du genre, c'est Émilie Mazoyer, que l'on va retrouver après Billy Joel de River Dream sur France Bleu Gironde. Something sacred I lost.

aussi dans ce cinéma Le Luxe de Cadillac une soirée débat autour du film Le Consentement avec Jean-Paul Rouvin. Ce sera vendredi. Et puis pas mal de choses pour les enfants, avec les enfants d'abord, cette nouvelle séance Mino Kino, c'est la colline de cailloux, qui sera projetée lundi à 10h du matin. Et puis un dernier conseil toujours pour les enfants, Linda veut du poulet, c'est Florent Lemonnier qui nous conseille justement ce film. Voilà ce que l'on pouvait dire sur le cinéma Le Luxe de Cadillac, et on espère que Florent va bien et qu'on aura l'occasion de le retrouver une très prochaine fois sur France Bleu Gironde. Pour l'instant, on prépare le mag 100% Coupe du Monde de rugby, avec en vue les demi-finales bien sûr, suivi du 100% Girondin. Dominique Bourdeau vient nous présenter le programme dans quelques instants. C'est dans la suite de cet après-midi de France Bleu Gironde, après les Beatles, Twist and Shout. Ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets. À tes pieds ils se balancent. Couleur café, j'aime ta couleur café. C'est quand même fou l'effet. L'effet que ça fait de te voir rouler ainsi des yeux et des hanches. Si tu fais comme le café, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter. Ce soir la nuit sera blanche. Couleur café, que j'aime ta couleur café. Philosophé, c'est comme le te passer. Mais que veux-tu que j'y fasse? On en a marre de café. Et c'est terminé. Pour tout oublier, on attend que ça se tasse. Couleur, café, que j'aime ta couleur, café. Couleur café, Serge Gainsbourg sur France Bleu Gironde. Cocorico! Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bonsoir Dominique Philippe Bourdeau. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, on va faire un peu cocorico dans le MAG 100% Coupe du Monde, puisqu'on reçoit l'équipementier de l'équipe de France de rugby, le coq sportif, marque emblématique du sport en France, Marc-Harry Bossir, son PDG, sera avec nous. On est également avec Vicente Lizarazu, consultant foot de Radio France. Et qui va parler rugby, voilà, bien sûr. Qui va parler rugby, il est basque et puis il connaît l'affaire quand même. Dans la partie football, justement, le ballon d'or sera décerné lundi soir, on en parle avec Gérard Agnès, ancien de France Football et de l'équipe. On va se souvenir des deux fois où des Girondins de Bordeaux sont passés à ça d'obtenir le ballon d'or. C'est après 18h30. Salut Philippe. Salut. Ciao. France Bleu présente la comédie musicale incontournable Le Roi Lion. Applaudi par plus de 850 000 spectateurs, toutes générations confondues, la troupe du Roi Lion revient pour une troisième année sur la scène du Théâtre Mogador. Un spectacle grandiose. Le Roi Lion, uniquement au Théâtre Mogador à Paris. Avec France Bleu. MMA, Business Entreprise. Jusqu'au 25 novembre 2023, 50% offert sur l'assurance dirigeant. Moins 50% sur la première cotisation annuelle. Conditions en agence. Je te dis que je t'aime. Certaines phrases sont tellement plus belles quand elles sont chuchotées. Ce serait dommage de s'en priver. Parce que vous méritez d'entendre le moindre chuchotement, on vous offre le dernier cri. Et oui, chez Écoutez Voir, les aides auditives libres de la gamme Confort ne vous coûtent rien. Et en plus, le bilan auditif est gratuit. Alors n'attendez plus pour bien entendre. Écoutez Voir, optique et audition. Mutualiste. Dispositif médical, demandez conseil à votre audioprothésiste. Lire attentivement la notice. Dans le cadre du 100% santé, bilan à but non médical, point de vente soumis au code de la mutualité, conditions sur écoutezvoir.fr. La Nostalvie, c'est le nouveau livre de Patrick Sébastien. Mon nouveau livre, je l'ai appelé La Nostalvie, à ne pas confondre avec la nostalgie. La Nostalvie, c'est rose et jaune comme le soleil, c'est faire un pas en arrière pour mieux aller de l'avant. Et crois-moi, on en a bien besoin. La Nostalvie, de Patrick Sébastien, un récit à savourer. Un livre XO. Luminiscence, un spectacle son et lumière immersif au cœur de la cathédrale Saint-André de Bordeaux. Revivez l'émotion originelle des grands bâtisseurs du XIIe siècle. Plongez dans les secrets de l'une des plus belles cathédrales de France comme vous ne l'avez jamais vue. Jusqu'au 17 décembre. Billets disponibles sur luminiscence.fr. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Gironde. Mercredi 18 octobre, France Bleu Gironde, 18h. Et à 18h, ce sont les infos de Kevin Blondel. Bonsoir Kevin. Bonsoir, une camionnette en panne. Un fourgon, vous êtes sur la rocade extérieure à hauteur de Villeneuve-d'Ornon. Prudence, ailleurs c'est un trafic relativement habituel pour une fin de mercredi. Dans le sens extérieur de la 12 Saint-Jean-d'Illac à la 19 Villeneuve-d'Ornon, puis ensuite sens intérieur de l'échangeur 5 Bruges à la numéro 4 Bordeaux-Centre. La météo Kevin. Vous avez raison, les mots sont importants. Passage nuageux, éclairci en cette fin de journée. Vent d'ouest assez fort, notamment sur le littoral. Ça devrait s'apaiser dans les heures à venir. 22 à 23 degrés. La température ce soir, c'est encore très doux. Alerte à la bombe levée. L'aéroport de Bordeaux-Mérignac annonce la reprise des vols après une demi-journée de galère pour nombre de passagers comme ceux de Lille, de Toulouse, de Pau, de Biarritz ou encore de Nantes. L'aérogare girondine a dû être évacuée tout à l'heure en cause, ici comme ailleurs. Une alerte à la bombe, alerte prise très au sérieux dans le contexte de menaces d'attentats et avec le plan Vigipirate du moment. Bon, alors qu'il est là, tout rentre dans l'ordre, hein, Jules Brelaz. Oui, bonne nouvelle, Kevin, si vous avez prévu de partir en Croatie, le vol à destination de Dubrovnik prévu ce soir est maintenu à 18h55. C'est tout simplement le premier avion à redécoller ce soir, ouais, avant Marrakech à 19h. Un retour à la normale, donc très progressif après une après-midi noire, une douzaine de vols annulés, autant d'appareils retardés, au moins 2000 passagers. passagers impactés. À l'origine donc, cette alerte à la bombe reçue par courriel à 14h. Vigipirate oblige, tout l'aérogare bordelais est évacué. 3 heures plus tard, menace levée. Parler des mineurs, feu vert des autorités, retour des hôtesses et stewards. Mais ça coince forcément un peu dans les terminaux avec l'afflux de voyageurs. Les premiers vols impactés, ceux pour Madrid, Lisbonne et Lyon, seront les premiers à être reprogrammés cette nuit et demain, nous dit la direction. Mauvaise nouvelle en revanche, les alertes à la bombe entrent dans la catégorie des risques liés à la sécurité, circonstances extraordinaires donc, Kevin, au même titre que les tempêtes ou encore les grèves. Ouais. En conséquence, si votre vol est annulé, peu de chances d'obtenir un remboursement. Et Jules, ça veut dire aussi reprise du trafic sur l'ensemble du tram, sur la ligne A. C'était pas le cas pendant cette alerte dont vous parliez avec un terminus avancé, 2 arrêts. Avant cet aéroport, c'est donc revenu à la normale alors qu'il est. Évacuation aussi du château de Versailles ce matin. Oui, c'est la 3e fois en l'espace de 4 jours pour une alerte à la bombe. Les fausses alertes, les menaces d'attentats, elles se multiplient ces derniers jours. Le phénomène, il n'est pas nouveau, mais dans le contexte du moment avec l'attentat d'Arras, c'est pris très très au sérieux. Et à chaque fois, Aurélien Tirard, ça mobilise de nombreuses forces de police. Comme dans ce lycée parisien cet après-midi, alerte générale, les policiers reçoivent un appel. Une élève vient de se faire agresser à la machette par un individu. Les équipes d'intervention de la BRI se déplace immédiatement, sauf qu'il s'agit d'un canular, un de plus. Mais à chaque fois, les policiers doivent réagir dans l'instant, avec un protocole lourd. Au château de Versailles, évacué 3 fois depuis ce week-end, une 60aine de personnes interviennent à chaque fois. Des démineurs jusqu'à 5 chiens du raid ou de la gendarmerie spécialisés dans la recherche des explosifs. Et pendant ce temps, environ 10 000 personnes évacuent les lieux. 168 écoles sont concernées depuis la rentrée. Les médias aussi. Les équipes de France 3 à Reims ont évacué leur bâtiment hier. Au musée du Louvre, les démineurs ont dû inspecter ce week-end 60 000 mètres carrés pendant tout un après-midi. Le laboratoire central de la police parisienne a été mobilisé. Et après, il s'agit de mettre la main sur les auteurs de fausses alertes. Un travail difficile commence alors pour les enquêteurs spécialisés dans le cyber. Pour rappel, faire une fausse alerte est puni de 2 ans de prison et de 30 000 euros d'amende. À Berlin, une synagogue a été visée par des cocktails Molotov ce matin. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés. Le ministre délégué au transport promet 20% d'effectifs supplémentaires pour assurer la sécurité dans les trains et les gares d'ici l'été prochain. 550 agents de plus, donc, ainsi que des brigades de chiens de détection supplémentaires. Tout ça dans le cadre, encore une fois, du plan Vigipirate. Urgence attentat déclenché vendredi, explique Clément Beaune. 24 Français sont morts. 7 sont portés disparus. Plusieurs probablement en otage dans la bande de Gaza. Ça, c'est le dernier bilan français donné par Elisabeth Borne après l'attaque du Hamas en Israël. Paris aura par ailleurs rapatrié d'ici ce soir 3500 Français d'Israël depuis l'attaque terroriste du Hamas, d'après la Première Ministre. Le village rugby, c'est fini à Bordeaux. Eh oui, fermeture 10 jours tout pile avant la finale du Mondial. La France éliminée. Les mauvaises conditions météo prévues ce week-end pour les demi-finales, le renforcement toujours de ce plan Vigipirate, tous les vents étaient contraires pour cette fan zone installée sur la plaine des Sports Saint-Michel. On y revient sur francebleu.fr. Et puis, 4 Bordelaises retenues pour affronter la Nouvelle-Zélande en rugby. Samedi à Wellington, il y aura Fall, Bourgeois, Kalfaoui, Condé aussi, elles seront donc de la partie pour le début de cette toute nouvelle compétition. On va s'y habituer maintenant, ça s'appelle le Women 15. 4 lionnes du Stade Bordelais, championne de France en titre. S'il vous plaît. Ah bah, rappelons-le. Ça fait du bien. La météo. Le ciel est partiellement étoilé en début de nuit, ensuite les nuages envahissent le ciel, le temps se détériore, attention au vent sur le littoral, il pourrait atteindre jusqu'à 65 km à l'heure en rafale, un vent de secteur sud-sud-est. 15 à 16 degrés au réveil demain matin, les nuages alternent avec les éclaircies. Quelques averses se produisent temporairement le matin. Vous aurez 21 à 24 degrés demain après-midi, 21 degrés pour Libourne, 22 degrés pour la métropole bordelaise et 24 degrés à Arcachon. La météo 100% locale avec Ariane Construction, constructeur de maisons individuelles en Gironde. Retrouvez-nous sur arianeconstruction.com. France Bleu, le MAG 100% Coupe du Monde de rugby, Dominique Bourdeau. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous accompagner sur toutes vos franges bleues pour ce MAG 100% Coupe du Monde de rugby, dans lequel on va ce soir encore mouiller le maillot, même si le 15 de France a malheureusement trop tôt quitté la compétition. Et ce maillot, c'est évidemment celui des Bleus, fabriqué par le coq sportif, dont le PDG est notre grand témoin ce soir. Bonsoir Marc-Henri Bossier.